Ézéchiel chapitre 45. Or, quand vous partagerez au sort le pays en héritage, vous enlèverez une portion pour l'Éternel, la lui présentant comme en offrande élevée, laquelle étant prise sur la longueur du pays, sera sanctifiée d'entre toutes les autres portions du pays, et aura de longueur 25 000 cannes, et de largeur 10 000, ce sera une chose sainte dans tous ses confins alentour. De cette portion il y aura 500 cannes correspondantes à 500 autres cannes, mesurées en carré alentour, pour le lieu saint, et 50 coudées alentour pour ses faubourgs. Tu mesureras donc de cette mesure l'espace du lieu saint, savoir, de la longueur de 25 000, et de la largeur de 10 000 cannes, et le sanctuaire, et le lieu très saint, sera dans cet espace. Cette portion sanctifiée d'entre les autres du pays, appartiendra au sacrificateur ministre du sanctuaire, qui approche de l'Éternel pour faire son service, et elle leur sera un lieu pour des maisons, et un sanctuaire pour le sanctuaire. Puis il y aura 25 000 autres cannes en longueur, et 10 000 en largeur, lesquelles appartiendront aux Lévites, qui font le service de la maison, pour être leur possession, avec les 20 chambres. Puis vous donnerez pour la possession de la ville la largeur de 5 000, et la longueur de 25 000, suivant la proportion de la portion sanctifiée, qui aura été levée sur toute la masse, et cela sera pour toute la maison d'Israël. Puis vous assignerez la portion du prince, tant au-delà de la portion sanctifiée, qui aura été levée sur toute la masse, qu'au-deçà de la possession de la ville, savoir, tout le long de la portion sanctifiée, qui aura été levée sur toute la masse, et tout le long de la possession de la ville, tirant depuis le canton de l'Occident, jusqu'à l'Occident, et depuis le canton qui regarde vers l'Orient. Jusque vers l'Orient, tellement que l'autre longueur sera aux parties opposées à l'une des autres portions, tirant depuis les confins d'Occident vers les confins qui regardent vers l'Orient. Ce qui sera de toute cette terre-là, appartiendra au prince, pour être possédé par lui au pays d'Israël, et les princes que j'établirai ne fouleront plus mon peuple, mais ils distribueront le pays à la maison d'Israël, selon leur tribu. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, prince d'Israël, qu'il vous suffise, ôtez la violence et le pillage, et faites jugement et justice, ôtez vos extorsions de dessus mon peuple, dit le Seigneur, l'Éternel. Ayez la balance juste, et l'épha juste, et le bat juste. L'épha et le bat seront de même mesure, tellement qu'on prendra un bat pour la dixième partie d'un homé, et l'épha sera la dixième partie d'un homé, la mesure de l'un et de l'autre se rapportera à l'homé. Et le cycle sera de 20 obols, et 20 cycles, 25 cycles, 15 cycles feront la mine. C'est ici l'oblation que vous offrirez en offrande élevée, la sixième partie d'un épha d'un homé de blé, et vous donnerez la sixième partie d'un épha d'un homé d'orge. Et parce que le bat est la mesure pour l'huile, l'offrande ordonnée pour l'huile, sera la dixième partie d'un bat pour le corps, en tant que 10 bats feront un homé, car 10 bats feront un homé. Pareillement l'offrande ordonnée des bêtes du menu bétail sera de 200 lunes, même des meilleurs pâturages d'Israël, toute laquelle oblation sera employée en gâteau, et en holocauste, et en sacrifice de prospérité, afin de faire propitiation pour vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Tout le peuple qui est du pays, sera tenu à cette offrande élevée, pour celui qui sera prince en Israël. Mais le prince sera tenu de fournir les holocaustes, et les gâteaux, et les aspersions qu'il faudra offrir aux fêtes solennelles, aux nouvelles lunes et au sabbat, et dans toutes les solennités de la maison d'Israël. Il tiendra prête les bêtes qu'on sacrifiera pour le péché, et les gâteaux, et les bêtes qu'on sacrifiera pour l'holocauste, et les bêtes qu'on sacrifiera pour les sacrifices de prospérité, afin de faire propitiation pour la maison d'Israël. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, au premier mois, au premier jour du mois, tu prendras un jeune veau sans tare, et tu purifieras le sanctuaire par ce sacrifice offert pour le péché. Tellement que le sacrificateur, prendra du sang de ce sacrifice offert pour le péché, et en mettra sur les poteaux de la maison, et sur les quatre coins des saillies de l'autel, et sur les poteaux des portes des parvis intérieurs. Tu en feras ainsi au septième jour du même mois, à cause des hommes qui pêchent par ignorance, et à cause des hommes simples, et vous ferez ainsi propitiation pour la maison. Au premier mois, au quatorzième jour du mois, vous aurez la Pâque, fête solennelle qui durera 7 jours, pendant lesquels on mangera des pains sans levain. Et en ce jour-là le prince offrira un veau pour le péché, tant pour lui que pour tout le peuple du pays. Pareillement durant les 7 jours de cette fête solennelle, il offrira chaque jour 7 veaux et 7 béliers sans tare, pour l'holocauste qu'on offrira à l'Éternel, et un bouc d'entre les chèvres pour le sacrifice pour le péché, chacun de ces 7 jours-là. Pareillement il offrira un épha pour le gâteau de chaque veau, et un épha pour le gâteau de chaque bélier, et un hin d'huile pour chaque épha. Au 7e mois, le 15e jour du mois, en la fête solennelle, il offrira durant 7 jours les mêmes choses, savoir, le même sacrifice pour le péché, le même holocauste, les mêmes gâteaux, et les mêmes mesures d'huile.